Thank you. à qui parle. Je suis perdu dans ces accords. Je suis dans ces accords. Je suis perdu dans ces accords. Je suis perdu, je suis perdu. Je suis perdu dans ces accords. Je suis perdu. Je suis perdu dans ces accords. Je suis perdu.